C'est un Reaper, là je suis un peu paumé. voire plus. Hein. Moins 10. Gaffe avec tous les volumes de... Dès que tu changes de preset, là... Ça, c'est quoi, ça? C'est Mesa, ça. C'est même quoi. Ça, c'est quoi, ce machin? Que ce machin pour les basses. Un truc pour les basses.